La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On a parlé d'elle comme d'une magicienne des lettres, mais également comme d'une sorcière dont l'aura mystérieuse baigne des romans d'une atmosphère ouatée entre le rêve et le réel. Elsa Morante, née en 1912 dans un quartier pauvre de Rome d'un père biologique qui n'était pas son père officiel, est morte en 1985 après avoir tenté quelques mois plus tôt de mettre fin à ses jours. Elle a été une enfant précoce, une femme de lettres de premier plan que même son mari, le grand écrivain Albert Alberto Moravia, considéré comme meilleur que lui. Tout cela, nous l'avons raconté hier avec René de Secati au cours d'une émission à retrouver évidemment en podcast. Puis notre semaine italienne se poursuivra avec deux émissions consacrées à Goliarda Sapienza, l'auteur de L'Art de la Joie, dont la vie nous sera racontée demain par sa traductrice Nathalie Castagnier. Enfin jeudi, c'est Frédéric Martin, son éditeur français, grâce à qui elle a acquis une reconnaissance mondiale, qui viendra nous éclairer sur son œuvre et nous raconter les conditions de sa découverte. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, en seconde partie de cette émission, nous serons avec l'écrivain Simonetta Greggio, auteur en septembre dernier du livre Elsa mon amour chez Flammarion, dans lequel elle reprend à sa façon l'histoire de la vie d'Elsa Morante. Et en première partie, nous sommes avec Martin Rueff, professeur de philosophie, traducteur, notamment du Petit Manifeste des communistes d'Elsa Morante, réédité en 2018 dans la petite bibliothèque Rivage Poche. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Comme j'ai dit, je suis d'accord avec les idées féministes de ma femme. Si puis, vous me demandez qu'est-ce que je pense de sa figure publique, eh bien, je pense que ma femme, peut-être ça ne rend pas compte, c'est une personne qui a une fonction politique. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas faire de la politique, même féministe, sans une petite quantité de fanatisme. Par fanatisme, je n'entends rien d'émotif ou de violent dans ce moment. J'entends la conviction d'avoir raison. Je dis simplement qu'on ne peut pas faire de la politique sans avoir la sensation, la conviction d'avoir raison vis-à-vis des adversaires. Voilà. Alors, ça, c'est le moindre fanatisme qu'on puisse imaginer. À part ça, je pense c'est une militante. Ma femme est militante, donc elle a quelque chose du soldat. Peut-être elle est un colonel ou un capitaine, ou même un général, je ne sais pas. Alberto Moravia, dans l'émission de télévision Fenêtre sûre en 1978. Bonjour Martin Rueff. Bonjour. C'était une combattante, Elsa Morante, une combattante politique. Oui, disons que la manière, comme souvent empreinte de plaisanterie de Moravia, pourrait peut-être donner une image partielle de celle qui fut son épouse. Parce que, oui, bien sûr, ce fut une combattante, mais son combat passa d'abord par ses grands livres. Et le texte dont nous allons parler aujourd'hui, hein, Le Petit Manifeste des communistes sans classe ni parti, est un livre qu'on peut lire évidemment pour lui-même, mais qu'il faut lire avec les autres aussi. Ce que veut dire Moravia, je pense, c'est que parmi les grandes figures masculines de l'impegno politico, de l'engagement politique en Italie, c'est-à-dire del subito dopoguerra, tout de suite après la guerre jusqu'aux années 80, on peut compter des figures extraordinaires comme Pasolini et même, on en reparlera sans doute, Calvino avec une sobriété tout à lui. Mais ce qui est sûr, c'est que Elsa Morante est une figure singulière d'engagement politique. Alors dire qu'elle est une militante, je trouve que c'est un petit peu forcé, parce que ce qui la caractérise, au contraire, c'est une espèce de rigueur morale qui va bien au-delà d'un militantisme politique. Hein. Mmh. Et il faut rappeler que le sous-titre, qui est peut-être plus important même que le titre du petit manifeste des communistes, c'est « Sans classe ni parti ». Alors, « Sans classe », évidemment, c'est une référence au manifeste du Parti communiste de Marx et Engels de 47, hein, puisque le début, la première proposition du petit manifeste des communistes « Sans classe ni parti », je la relis, hein. Un monstre parcourt le monde, la fausse révolution doit être évidemment lue au regard de la première phrase du manifeste du Parti communiste de 47. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Mais ce qui caractérise le militantisme d'Elsa Morante, c'est une défense d'une liberté individuelle, un appel à la révolution qui passe pas par le parti. Ce que vous êtes en train de nous dire, Martin Rueff, c'est que son rapport aux politiques est très différent de celui de Moravia. Et elle n'a pas envie de la même manière de changer le monde, ou peut-être en a-t-elle envie, mais ça n'est pas avec une action directe sur le réel. Et comme vous le dites, peut-être faut-il le relier avec sa littérature, qui est à la fois réelle, à la fois dans le réel, et en même temps vraiment dans la fable, vraiment dans quelque chose de plus onirique. Est-ce qu'on peut faire un lien entre son rapport politique au monde et sa manière d'écrire? Ah oui, oh oui. On peut et on doit, parce que le petit manifeste des communistes, sans classe ni parti, est un texte qui énonce très clairement l'ennemi, c'est le pouvoir. Et ce que Elsa Morante redoute par-dessus tout, c'est la captation de la révolution et de la libération et de l'émancipation et de la désaliénation par ceux qui s'afficheraient comme les figures autoritaires qui auraient le pouvoir de faire cela. Mais alors, elle vise plusieurs personnes en disant alors, ça. Alors, rappelez-vous plusieurs la dernière groupes, phrase hein, les derniers paragraphes, hein, à partir du paragraphe 11, hein, évidemment, elle vise quelqu'un, elle vise des gens, elle vise des porte-paroles. Hein, je rappelle la fin, on a lu la première phrase, on peut lire la dernière. Hein, une foule lucide, alors évidemment, ça réveille des échos tout à fait glaçants avec le monde d'aujourd'hui. Une foule lucide qui affirme la liberté de l'esprit offre un spectacle sublime. Une foule aveuglée qui exalte le pouvoir offre un spectacle obscène. Qui se rend responsable d'une pareille obscénité ferait mieux de se pendre. Mmh. Hein. Donc quand Moravia la présente comme un colonel ou un général, je dirais plutôt que c'était une figure de guérilla. Hein, une figure de guérilla. Avant d'aller... répondrai aussi sur le parallèle qui me semble tout à fait important. Et on y reviendra en effet. Peut-être avant d'aller plus loin, commencez déjà par écouter une petite lecture de ce petit manifeste des communistes, lui-ci par Vanda Benesch dans votre traduction, Martin Rueff. Un monstre parcourt le monde. La fausse révolution. 2. L'espèce humaine se distingue des autres espèces vivantes par deux qualités éminentes. L'une constitue le déshonneur de l'homme. L'autre, l'honneur de l'homme. 3. Le déshonneur de l'homme, c'est le pouvoir. Il habite d'emblée la société des hommes que fonde de manière universelle et invariable le binôme maître et esclave, exploité et exploiteur. 4. L'honneur de l'homme, c'est la liberté de l'esprit. Cette liberté de l'esprit se manifeste à travers des modalités infinies et variées qui renvoient toutes à la même unité sans hiérarchie de valeur. Exemple, la beauté et l'éthique sont une seule et même chose. Rien ne saurait être beau qui soit une expression de la servitude de l'esprit ou une affirmation du pouvoir. Et vice-versa. C'est ainsi, par exemple, que le discours sur la montagne, les dialogues de Platon, le manifeste de Marx et d'Engels, ou les essais d'Einstein sont beaux. Mais aussi et au même titre que l'Iliade d'Homère, les autoportraits de Rembrandt ou les Madones de Bellini, comme les poésies de Rimbaud, sont des expressions de la moralité. En effet, toutes ces œuvres sont une par une et en elles-mêmes des affirmations de la liberté de l'esprit, et en conséquence, quelles que soient les contingences historiques et sociales où elles trouvent à s'exprimer, elles ne sont déterminées essentiellement par aucune classe et finissent par appartenir à toutes les classes. « la compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, il y a beaucoup de choses à analyser dans cet extrait, Martin Rueff. Par quoi voulez-vous commencer ? Bien, je crois que le passage qui vient d'être lu, hein, c'est donc les cinq premières propositions qui sont vraiment l'exposé des principes du manifeste. Et ces principes s'achèvent par l'exclusion des classes et donc aussi des partis qui voudraient le représenter. Et dans la postface que j'ai traduite de Goffredo Fof, il dit combien Elsa Morante était hostile, hein, à ceux qui étaient trop proches du mouvement, parce qu'elle craignait justement, hein, qu'ils eussent pour ambition d'en prendre le pouvoir. Ce qui est essentiel, je crois, dans ce passage, et qui est très émouvant, c'est la thèse d'Elsa Morante, selon laquelle la libération, c'est la libération de l'esprit. Et que la lutte que doit mener un communiste et un écrivain, c'est la lutte pour ce qui incarne pour elle la plus haute valeur de l'homme, c'est-à-dire l'esprit libre. Donc c'est plus un humanisme qu'un communisme. Oui, on pourrait dire que c'est un humanisme. Si vous voulez dire que ce qui est essentiel dans son communisme à elle, c'est non pas le rapport aux choses et au rapport de production comme chez Marx, mais le rapport aux autres et aux œuvres, hein, parce qu'elle parle beaucoup des œuvres. Hein. Elle dit, vous avez vu, hein, elle parle de Bellini, elle parle de Rimbaud, elle parle beaucoup de Simone Veil, elle parle de Spinoza, etc. C'est-à-dire que pour elle, ses œuvres, plus que le travail, et en effet donc, son communisme n'est pas un communisme du travail, mais un communisme des œuvres. Son communisme défend les valeurs qu'elle retient, qu'elle considère comme les plus hautes, c'est-à-dire, elle le dit, hein, beauté, c'est-à-dire esthétique, et éthique. Alors justement, la liberté de l'esprit, la beauté, l'esthétique, ça ne sont pas des choses qui, a priori, font révolution dans le sens purement communiste du terme. Est-ce qu'il n'y a pas justement là une manière de la part d'Elsa Morante de se mettre un petit peu de côté par rapport justement au communisme pur? Oui, alors il y aurait deux manières de vous répondre, une manière générale et une manière précise, et je pense que pour les auditrices et les auditeurs, c'est mieux de répondre de manière précise et de rappeler, si vous voulez, l'exigence qui a eu cours après-guerre, hein, en Italie, de construire une contre-culture fasciste. Une contre-culture, c'est-à-dire une culture qui était essentiellement portée en effet par les communistes, qui tendait évidemment, disons, dans un futur lointain, à la révolution des moyens de production, c'est-à-dire à l'inversion de la lutte des classes, mais qui défendait aussi une culture qui est celle des livres, des institutions, etc., des institutions littéraires, comme on disait. Elsa, elle est tout entière du côté de la vie de l'esprit. Elle le dit de manière très claire. Et donc, d'une certaine manière, elle apparaissait aux communistes qu'elle fréquentait comme quelqu'un qui relevait de la catégorie du franc-tireur, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui envisageait la libération, non pas du tout par la réforme des moyens de production, mais par quelque chose qui lui tenait plus à cœur, qui était la défense de la beauté, des relations pures. Et c'est pour ça qu'elle ne cesse de dire, hein, que ce qui incarne le plus pour elle la révolution, c'est les enfants. Et donc je crois qu'il y a rien de moins fleur bleue que cette thèse. Hein. Il faut la prendre très très au sérieux. Les enfants sont porteurs de cet espoir, de cette espérance qui quitte les adultes pour elle. Et le fait d'abandonner cet esprit d'enfant, c'est aussi pour elle abandonner l'esprit de révolution. Et donc, en fait, elle serait, si on voulait la classer sur un échiquier politique, elle serait du côté de l'anarchisme, c'est-à-dire d'une thèse sur laquelle, hein, il faut prendre, il faut révolutionner, il faut aller vers la révolution, mais empêcher que la révolution, hein, ne s'abîme dans le fleuve de boue qu'est la prise du pouvoir, hein, qui est le problème des anarchistes européens depuis le 19e siècle. Et alors la question de l'esthétique ou de l'esthétisme qui doit être liée à l'éthique, comme elle le dit de manière très claire, comment vous la voyez ? Est-ce que c'est la même chose, Martin Rueff ? Moi, je défendrai pas, je dois dire, une vision d'Elsa Morante comme quelqu'un qui prendrait une esthétisation de la politique. Hein, je crois que c'est pas du tout vers là qu'elle va. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, je crois, n'est pas du tout aussi fréquent qu'on le dit. Hein. Vous savez qu'on a accusé Foucault de défendre une esthétique de la politique. Je crois pas du tout que c'est ça qui est en jeu ici. Hein. Ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus, et quelque chose qui nous rassemble toutes et tous ici, hein, qui est la défense, finalement, de ce qui doit être conservé de l'humain pour être défendue sur un plan politique. Et pour elle, écrivaine, poétesse, femme, auteur, la beauté fait partie de ces valeurs qu'il faut défendre. Hein. Et donc, elle dit, moi, ce qui me préoccupe, c'est ça. Et en même temps, la beauté, elle ne peut exister dans sa conception que si elle est profondément éthique et que si Absolument. Elle est profondément humaine. C'est ça qui est peut-être Absolument. Premier. Et là, en fait, on se relie à la question par laquelle vous commenciez, qui est sa propre écriture de romancière. C'est-à-dire que finalement, si on prend ces immenses romans que sont La Storia, L'Isola d'Arthur, hein, La Storia et L'île d'Arthur, ce sont des romans qui sont empreint d'une très grande beauté, d'une très grande poésie, d'une très grande magie. Même on a souvent parlé de la féerie d'Elsa Morante, hein, ce côté assez extraordinaire par lequel elle tisse entre les gens, les femmes et les hommes, hein, des rapports de féerie et de magie. Et en même temps, ce sont des romans vraiment, et Pasolini le disait, et Pasolini est un lecteur, on le sait, extrêmement lucide, hein, le vrai sujet d'Elsa Morante, c'est l'histoire, et c'est l'histoire italienne. Y compris dans l'île d'Arturo, où on est dans les pas d'un adolescent qui découvre que son père n'est pas celui qu'il rêvait qu'il était, qu'il croyait qu'il était, où on a l'impression qu'on est vraiment dans l'histoire personnelle d'un jeune garçon qui grandit et qui découvre la vie, dans cette atmosphère, en effet, nimbée de rêves et de magie. Est-ce qu'il y a de la politique dans ce livre, quand même? Ah oui, ah oui. Ce livre de 57, hein, c'est un livre qui, à mon avis, est séminal et tout à fait allégorique de ce que seront les grands romans, La Storia, Racoeli, etc. C'est-à-dire, il s'agit d'écrire l'histoire d'un pays à travers des, comme dirait Carlo Ginzburg, à travers des cas. Hein. Et la question de l'Isola d'Arturo, c'est bien la question qui l'obsède jusqu'à la fin, qui obsède Elsa Morante jusqu'à la fin, c'est-à-dire la question de la transmission. C'est-à-dire comment on peut faire passer dans une famille, hein, un certain nombre de valeurs, et finalement la question de la filiation, de la génération, de la transmission qui est si décisive, et Simonetta en parlera peut-être mieux que moi tout à l'heure, hein, qui est si décisive dans l'imaginaire politique italien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va laisser, comment on va récupérer les anciennes valeurs. En 57, on est quand même tout proche, on est à 10 ans, enfin 12 ans de la fin de la guerre, donc on est... Et comment on va faire passer ça aux enfants, hein. Et finalement, Arturo, c'est un jeune garçon qui apprend à la fois le sens de la famille, le sens de l'histoire, le sens de l'amour, à partir de la question de la rupture, à partir, pardon, de l'expérience de la rupture, de la séparation, de la tragédie de s'apercevoir que son père est un traître, en fait, quelqu'un qui a trahi ses espérances. Et justement, sauver la beauté, c'est sauver la beauté des relations dans la haute fidélité à nos valeurs. Hein, donc, la beauté, hein, c'est pas du tout quelque chose qui, pour elle, est extérieur à l'expérience éthique. Elle est au cœur, hein, avoir des belles relations, avoir fondé des belles relations à quelque niveau que ce soit, hein, entre amis, au niveau politique évidemment, mais aussi au niveau pédagogique, dans la profession de chacun, c'est une valeur politique. Et c'est là où il ne faut pas se tromper sur la fausse révolution, la fausse valeur, les fausses valeurs que, par exemple, portent les Brigades Rouges. C'est justement le deuxième texte que vous avez traduit dans le même volume, Martin Rueff. On en écoute un court extrait. En m'adressant à vous, membres des Brigades Rouges, j'essaie au moins de ne pas douter que vous êtes convaincus en toute bonne foi par les motifs que vous avancez pour vos actes, c'est-à-dire que vous êtes véritablement, à vos propres yeux, des révolutionnaires. J'avoue que je répugne à répéter et même à prononcer ce mot de « révolution » quand je pense à l'utilisation qui en a été faite dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui compris. Et pourtant, ce mot, malgré les violences et les trahisons qu'il a dû subir, conserve par-devers lui sa signification première et authentique, celle d'une grande action populaire qui se propose comme fin d'instaurer une société plus digne. Extrait de la lettre aux Brigades Rouges d'Elsa Morante, lu ici par Vanda Benesch. Alors pour Morante, il y a là une affirmation très claire que les Brigades Rouges, ce ne sont pas des révolutionnaires, ce sont plutôt des fascistes qui s'ignorent. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté du tout dans le fait qu'elle prend position au cœur même de l'histoire italienne en train de se faire, Martin Rueff. Ah oui, c'est un texte d'intervention. On sait que il a eu un destin éditorial assez compliqué, hein, que je rappelle dans la postface, et que Goffredo Fofi rappelle aussi. Ce qui me frappe, voyez-vous, c'est que le petit manifeste des communistes sans classe ni parti est écrit en 1970, c'est-à-dire l'année de fondation des Brigades Rouges. Et donc, je crois qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre et à saisir même dans la sensibilité ce qu'a pu être la période d'extraordinaire effervescence politique, hein, qu'a connue l'Italie dans ces années-là, effervescence politique que la France connaissait aussi, hein, après 68, mais qui en Italie a donné des formes extrêmes. Alors on va pas refaire l'histoire des Brigades Rouges, etc. ici, a connu des formes extrêmes et a entraîné aussi de la part de ceux qui, comme Elsa Morante, appelé de leur vœu des révolutions, hein, parce qu'elle le dit bien, ce qu'elle veut, c'est la révolution, d'extraordinaires désillusions. Mmh. Hein. Je crois que l'équivalent, si on cherche un équivalent littéraire, c'est vraiment la génération de 1848, c'est-à-dire Baudelaire et Flaubert, face à cette révolution ratée. Hein, c'est-à-dire l'impression que, eh ben voilà, on n'arrivera jamais à faire de la vraie politique, on n'arrivera jamais à faire advenir la révolution. Et donc le texte de 78, hein, 78 c'est l'année de l'enlèvement de Moro, donc on est à la fin, si vous voulez, de cette période, même si les Brigades Rouges ont continué leur activité, mais enfin bon, il faut rappeler qu'à la fin, quand Moro est justiciato, quand il est mis à mort, hein, le communiqué des Brigades Rouges, c'est la fin d'un combat. Mm-hmm. Hein, c'est la fin d'un combat. Donc si vous voulez, ce texte, hein, c'est pour ça que sa publication avec le Petit Manifeste est vraiment, je trouve, une opération intelligente d'un point de vue historique et culturel, parce que ça montre, si vous voulez, l'évolution d'Elsa Morante, de celle qui appelle, depuis la position de celle qui appelle de ses voeux la révolution, jusqu'à celle qui s'aperçoit comment on trahit les révolutions. Et en effet, les Brigades Rouges sont des traîtres à la cause. Et ils la salissent, cette cause, de manière pour elle beaucoup plus grave que ceux qui la combattent, parce que ils la salissent du bon côté, si j'ose dire. Et donc, c'est comme les trahisons sont beaucoup plus graves quand c'est celle des amis que quand c'est celle sinon, des c'est même pas vraiment des trahisons. Ben oui, c'est ça. Donc, dans ce texte, il y a une phrase que je trouve tout à fait extraordinaire et que les hommes et les femmes politiques devraient méditer. C'est la phrase sur le rapport entre moyens et fins. Mm-hmm. Elle dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, la fin justifie les moyens. Non. Les moyens dénoncent la fin. Et là, je crois qu'elle dit quelque chose d'extraordinaire, c'est que la lutte des Brigades Rouges, se présentait peut-être comme une exaspération de moyens pour une fin juste, hein, c'est-à-dire, puisqu'on n'arrive pas à faire advenir par le syndicalisme, les partis, etc. Et ces phrases, hein, Mathieu, elles résonnent pour aujourd'hui. Hein. Eh bien, il faut passer à la lutte armée. Et elle dit non, si on passe à la lutte armée, c'est pas les moyens qui tombent, c'est la finalité même qui tombe. Pourquoi ? Parce que la vraie révolution, elle doit être toujours menée au nom de la dignité de l'individu, et cette révolution qui peut, comme elle le dit, mépriser les individus dans leur corps, c'est une révolution qui est faite par des gens qui se méprisent eux-mêmes. Donc c'est vraiment une position éthico-politique, pardon. Alors pour poursuivre dans le va-et-vient entre le côté manifeste justement de ses œuvres et le côté purement littéraire, comment est-ce que sa conception de l'histoire, telle que vous venez de l'expliciter ici Martin Rueff, se retrouve dans un roman qui est plus évidemment politique quand même que L'île d'Arturo, qui est L'Astoria? Alors, L'Astoria, vous le savez, il faut peut-être le rappeler, j'imagine que René de Secati l'a dit hier. Hein. On peut le redire. C'est un roman qui a eu une fortune littéraire tout à fait étonnante, hein, parce que c'est un roman qui a été considéré par le public italien comme une espèce de révolution, pour expliquer pourquoi. Hein. C'est un livre, en effet, absolument magnifique, intense, fort, avec des relations personnelles, comme elle sait faire depuis qu'elle est adolescente. Hein, parce qu'il faut rappeler que, quand elle était petite fille, elle écrivait déjà des textes absolument éblouissants qui ont été réédités dans la collection Terra d'Altri chez Verdi en 2009, hein, les récits oubliés. Et dans la que story, vous avez d'ailleurs réédité. Hein, oui, on avait fait ça, et je dois dire que pour moi c'est aussi un livre tout à fait important. La storia, l'histoire de la storia, l'histoire des individus et l'histoire du peuple italien, est exposée dans ce roman sous un œil particulièrement tragique, hein, de défaite. Hein. Et c'est cet exposé aussi qui a entraîné une espèce de résistance de la part de l'intelligentsia italienne, hein, qui voulait pas qu'on pût dire que cette histoire italienne qui avait été l'arrachement au fascisme, la construction d'une culture nationale comme le voulait Pasolini. Alors Pasolini lui aussi a été déçu. Hein. Mais Pasolini qui est assez critique vis-à-vis de ce livre dont il distingue trois parties. Il aime la première partie mais il n'aime pas les deux autres. Oui. Est-ce que c'est justement parce qu'il était en désaccord avec une vision du monde d'Elsa Morante, une vision politique? Ou est-ce que c'est autre chose? Ah non, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Si vous voulez, chez ces immenses écrivains, qui étaient Morante, Pasolini, Moravia, Natalia Ginzburg, évidemment, les reproches qui concernent, on va dire, la technique narrative, hein, la manière de fictionner l'histoire, et les reproches politiques vont de pair. Hein. Et il y a un écart qui se creuse progressivement entre Pasolini, mais aussi Fortini, mais aussi Natalia Ginzburg. Qui reproche quoi, alors? Ah, il reproche une vision trop noire de l'histoire. Hein, il faut pas, il faut pas désespérer Biancourt, hein, c'est pas ça, hein, si vous voulez. Mais il considère, si vous voulez, qu'il y a une manière d'abîmer, hein, de plonger l'histoire, comme dit Hugo à la fin de l'année terrible, hein, dans le déluge. Hein, parce que, je suis le déluge, dit la fin de l'année terrible. Voilà, c'est une espèce de oui, on pourrait dire de pessimisme historique, mais cette conception est quand même malvenue quand on parle d'un auteur qui décrit si bien la fête, l'enthousiasme, etc. Il faut juste rappeler quelque chose, c'est que Elsa Morland était avec Nathalie Ginsburg, hein, je dis ça de manière un peu provocatrice à côté de Simonetta, ce sont des femmes, hein, dans un milieu d'hommes, c'est-à-dire où la politique est d'abord une affaire d'hommes. Et je crois que le côté extrêmement pugnace et opiniâtre que pouvait avoir et Nathalie Ginsburg et Elsa Morante était de nature à bouleverser les codes politiques, hein, de cette bande d'hommes. Et comme Morante et comme Moravia a dit, c'est une générale. On voit bien, en fait, il y a un côté quand même assez machiste dans cette formule, non? C'est-à-dire que comme c'est une femme, il ne faudrait pas qu'elle ait de l'autorité. Ben si, justement, et on ne pouvait pas la renier, l'autorité d'Elsa Morante. Alors, dans votre postface au petit manifeste des communistes, Martin Rueff, vous dites qu'Elsa Morante aurait confié au critique littéraire Cesare Garboli que son principal défaut, c'était celui de la pesanteur. C'est une référence à la philosophe Simone Veil, qui disait dans son traité « La pesanteur et la grâce » qu'il fallait toujours s'attendre à ce que les choses se passent conformément à la pesanteur, sauf intervention du surnaturel et de la grâce. Est-ce que c'est une manière pour vous, finalement, d'expliquer toute l'œuvre d'Elsa Morante, l'œuvre et le rapport compliqué au quotidien, le rapport compliqué à la vie qui, justement, est du côté de la pesanteur. Je crois que ce couple pesanteur-grâce, il marche en effet très bien pour Elsa Morante. Alors, j'ai été frappé parce que je n'avais pas lu dans un collectif qui a été publié pourtant avant que je me fie cette préface, hein, un article d'une chercheuse très intéressante sur la trace de Simone Veil dans la Storia. Et donc, en effet, il semble qu'Elsa Morante avait une fréquentation de Simone Veil, comme d'ailleurs l'ont eu beaucoup de proches, hein, d'Elsa Morante, et je pense à Giorgio Agamben. Hein. La pesanteur et la grâce est un livre qui a eu une importance considérable en Italie à cause du rapport, justement, entre salut éthique par l'âme, disons, la grâce, hein, et expérience ouvrière de Simone Veil. Bon, oui, Elsa Morante se considère comme un écrivain pesante, lourd, parce que de fait, hein, la manière qu'elle a de concevoir ses romans, et ça Berardinelli l'a très bien dit, elle est encore dans le schéma du roman monde, hein, c'est-à-dire ce sont des romans immenses, ce sont des romans extraordinairement fictionné. Le fameux dernier roman du 19e siècle, oui, comme elle le revendiquait. C'est ça. Et donc, si vous voulez, hein, elle a l'ambition, et cette ambition, à mon avis, elle l'atteint dans la poésie, dans Alibi et dans le monde sauvé par les enfants. Mais c'est vrai qu'elle a cette angoisse d'être pesante. Et il me semble que le petit manifeste des communistes, hein, réussit d'une certaine manière, hein, ce partage que j'appellerais pas une dialectique entre pesanteur et grâce. Merci beaucoup Martin Rueff. Je rappelle que vous êtes donc philosophe et traducteur. Vous avez traduit, entre beaucoup d'autres livres, Le Petit Manifeste des communistes, suivi de Lettres aux Brigades Rouges d'Elsa Morante, disponible chez Rivage Poche. Et puis, on n'oublie pas de signaler Les Récits Oubliés d'Elsa Morante, dont vous êtes l'éditeur chez Verdier, dans la collection intitulée Terra d'Altri. Tout de suite, la chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique aujourd'hui proposée par Jérôme Dupuis du magazine L'Express. Bonjour à vous Jérôme. Bonjour Mathieu. Et merci d'être là. Vous nous parlez vous aussi d'une femme de lettres, mais pas italienne, anglaise. Oui, une femme d'ailleurs qui est sensiblement de la même génération qu'Elsa Morante. Il s'agit de Nancy Mitford, qui est notamment l'auteur de Tir au pigeon ou de La poursuite du bonheur. Jean-Noël Liot, à qui l'on doit déjà des biographies d'Elsa Triolet ou d'Edmond Charleroux, vient de publier chez Alary Éditions une biographie fouillée de cette romancière très excentrique qui vécut de 1904 à 1973. Voilà ce qu'il écrit d'elle en introduction. Nancy Mitford fut une comtesse de Ségur pour adultes, une aristocrate anglaise qui aurait voulu naître française, une socialiste de la mouvance Veuve Clicquot et la personnification du désespoir amoureux. La socialiste de la mouvance Veuve Clicquot. Il faut pas oublier, quand on évoque cette femme, de parler de sa famille et surtout de parler de ses sœurs, Jérôme Dupuis. Oui, parce qu'elle était l'héritière d'une longue lignée, la fille du baron Redesdale. Et pour le malheur ou le bonheur de ce baron, il a eu 5 filles avec son épouse, les fameuses sœurs Mitford, qui sont un peu à l'aristocratie britannique ce que les frères Dalton étaient aux plaines de l'Ouest, une incroyable fratrie souvent capable du pire. Elles s'illustrèrent en effet par des destins très opposés. Diana, la plus rayonnante, a épousé secrètement le leader fasciste Oswald Mosley chez Joseph Goebbels, ce qui n'était pas une très bonne idée, ce qui lui a valu de faire un peu de prison pendant la guerre. Sa sœur Unity était une véritable groupie d'Adolf Hitler et elle tenta même de se suicider d'un coup de revolver à Munich le jour où l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne. Jessica, elle, peut-être plus proche d'Elsa Morante, était proche des communistes et s'est même engagée auprès des républicains espagnols contre Franco. Enfin, la dernière, Pamela, plus calme, a vécu avec une écuyère italienne. Mais la plus sage, finalement, c'est presque Nancy. Oui, c'était un peu la vieille fille de la famille. Elle a toujours été entourée par une cour d'esthètes homosexuels londoniens. Et elle finira par épouser une sorte de délinquant à la gueule d'ange qui a passé son temps à la tromper et à lui voler son argent. Finalement, assez naturellement, elle a trouvé refuge dans l'écriture avec des chroniques un peu mondaines et puis quelques romans, en particulier La poursuite de l'amour et L'amour dans un climat froid. Ils n'ont pas vraiment révolutionné la littérature, mais ils ont connu un certain succès après la guerre. Est-ce qu'on peut dire que Nancy Mitford était une grande francophile ? Oui, à sa manière amoureuse, on peut dire, puisque pendant la guerre à Londres, elle a un véritable coup de foudre pour Gaston Palevski, qui était le directeur de cabinet du général de Gaulle. Et pendant plusieurs décennies, elle va vivre une sorte elle va vivre des amours clandestines avec lui. Elle déménagera même à Paris pour lui et s'installera rue Monsieur, ce qui explique le titre de la biographie de Jean-Noël Liot, La Dame de la rue Monsieur. Mmh. Et à Paris, elle va mener la vie de toutes ces dames de la Café Society, cet ancêtre un peu plus chic de la Jet Set, et fréquente les Radziwill, Marie-Laure de Noailles et Christian Dior. Elle s'éteint finalement à Versailles, un peu seule, en 1973. La biographie de Jean-Noël Liot est vraiment intéressante, mais on sent bien qu'elle est traversée par une espèce de mélancolie tout au long. Un peu comme si Nancy Mitford avait eu beaucoup de mal à se frayer un chemin dans la vie au milieu de cette parenté un peu lourde, et un peu comme si ses sœurs avaient capté toute la folie de l'hérédité familiale. Cette Dame de la rue Monsieur de Jean-Noël Liot est disponible aux éditions Alary. Merci beaucoup Jérôme Dupuis, et je renvoie nos auditeurs sur les pages livres du magazine L'Express. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, deuxième jour de notre mini-série consacrée à l'écrivaine italienne Elsa Morante. Et après Martin Rueff, en première partie, nous sommes à présent rejoints par Simonetta Greggio. Elle est romancière, auteure d'une douzaine de romans, depuis La douceur des hommes chez Stock en 2005 et jusqu'au dernier Elsa, mon amour, paru chez Flammarion en septembre dernier, dans lequel elle donne la parole justement à Elsa Morante. Mais avant de l'écouter, je vous propose de faire un détour par ce que l'écrivain Hector Biancotti disait du style d'Elsa Morante. C'est vraiment cette sorte d'écriture un peu souterraine ou morose, où elle semble vraiment écrire entre le rêve et le sommeil, entre la veille et le sommeil, c'est-à-dire dans une sorte de rêve un peu souterraine. Ce sont des paragraphes longs, c'est une sorte de très grande lenteur. Il commence par décrire encore, il commence par décrire quelque chose de très banal, il commence par décrire une sensation quelconque. C'est le style de la spirale. C'est-à-dire, c'est une spirale comme une fumée très très lente et très dense. Et ça s'ouvre et toujours elle aboutit à une sorte de réflexion métaphysique. Mais de métaphysique, c'est un mot qui peut faire peur, non? Parce que ça fait appel à l'essai, à la théorie. Non, je veux dire métaphysique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très général, à une de ces vérités, de ces corollaires qui peuvent être partagés par tout le monde. Bonjour Simonetta Greggio. Bonjour. Que pensez-vous de ce que disait à l'instant en archive Hector Biancotti sur le style en spirale d'Elsa Morante? Il n'a pas tort, ça fait un peu comme une fumée de cigarette, elle en fumait tellement, elle était toujours entourée de son petit nuage bleu. Et ça m'émeut beaucoup d'entendre la voix d'Hector Biancotti parce qu'elle en parle dans ses lettres, notamment avec Leonor Fini. Et elle parle de ses amies. Voilà, Leonor Fini, c'était l'une des meilleures amies de Elsa Morante. Il y a une très très belle correspondance entre les deux, qui est très libre, qui est très drôle, qui est très charmante. Et elle parle du moment où elle connaît Hector à Rome. Elle dit, il y a ce garçon charmant que j'ai rencontré sur la Scalinata d'Espagne. Je ne sais pas ce qu'il fait, ce qu'il vend des fleurs ou autre chose, mais en tout cas, il est formidable. Alors, puisque vous parlez de Leonor Fini, vous en parlez aussi hein, dans votre livre Simonetta Greggio. Vous mettez dans la bouche d'Elsa Morante que vous faites parler en tant que personnage. Vous lui faites dire, par certains côtés, Léonore me ressemble, elle n'aime pas les femmes, ni les hommes d'ailleurs, elle aime les créatures mi-fées, mi-follées. Et les chats. Et les chats comme Elsa Morante. Voilà, toutes les deux étaient des folles de chats et Léonore lui envoyait des tas de lettres et de tableaux avec des chats qui parlaient, qui avaient des petits cœurs qui sortaient. Enfin, c'est très kitsch et en même temps très drôle. Et c'est vrai qu'Léonore était cette figure qu'Elsa avait envie de lui rassembler en quelque sorte et en même temps c'était pas possible, elle était trop, j'allais pas dire puritaine mais presque, pour rassembler à une Leonor Fini qui avait autant d'amants qu'elle en voulait, qui posait toute nue pour Cartier-Bresson avec ses amants, qui se mettait un grand chapeau sur la tête avec plein de fleurs et de fruits et flottait toute nue pendant des heures à Nantes en Corse attendant que le soleil fane ses fleurs et ses fruits sur le chapeau. Voilà, je pense qu'Elsa était un tout petit peu, elle était un peu plus existentialiste entre autres. Mais ce qu'elle disait quand même, c'est que tout comme Léonore, elle aimait régner. Ça les rapprochait. Qu'est-ce qui c'était des empereurs, hein. C'était même pas des impératrices, c'était des empereurs. Oui. C'était des vraies femmes qui régissaient leur petit monde à la baguette quand même. Léonore avait toujours dans sa maison de Nantes, elle avait son dernier amant et son prochain amant. Elle, ça n'était pas... était un peu plus retenue de ce côté-là, mais surtout qu'elle aimait surtout qu'on lui fasse du mal, donc c'était plus compliqué. Elle aimait qu'on lui fasse du mal? Je pense que oui, je pense que son histoire, vous avez cité tout à l'heure le fait qu'elle était la fille biologique d'un homme qui n'était pas son père légal, et son père, le mari de sa mère, était... on dit qu'il était impuissant, en fait, il était probablement homosexuel, et je pense que cette espèce d'amour... Ça n'a jamais empêché de faire des enfants, mais enfin... Ben, oui, non, c'était... Voilà, mais voilà, c'est exactement ce que disait Elsa, comment faire des enfants avec Visconti? Si Visconti ne vous fait pas l'amour, c'est très difficile de faire des enfants avec lui. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui donnait des chats. Alors vous dites hein, quand même que le monde se divise en deux, vous commencez votre livre et vous le terminez par ça, ceux qui idolâtrent Elsa Morante et ceux qui ne la connaissent pas. Ou ceux qui la détestent aussi, il y en a... Enfin, en fait j'ai divisé le monde en deux parce que je pense que ceux qui la détestent ne la connaissent pas. En réalité, Elsa n'est pas vous parliez tout à l'heure de son côté sorcière, c'est pas quelqu'un qui est de bonne compagnie. Je pense que Martin Rueff peut nous le confirmer. C'était pas forcément quelqu'un qui venait vers vous avec un grand sourire. Au contraire, elle était très préoccupée d'elle-même, comme le sous-entend Moravia. Est-ce qu'elle était préoccupée d'elle-même? Elle était moins préoccupée d'elle-même que d'être un peu plus heureuse. Elle était profondément, souvent, malheureuse. Mm-hmm. Mais il faut dire qu'elle faisait tout pour aussi. Donc c'est très difficile d'être heureuse si vous y mettez pas un tout petit peu du vôtre. Ouais. Alors, vous dites que finalement, pour Elsa Morante, la vie réelle, elle était à plus des trois quarts composée d'imagination et de fiction. Peut-être pour nous tous aussi, mais on s'en rend moins compte. Elle cite Simone Veil, bien sûr, en disant ça, cette espèce de glissement, je dirais, dans l'irréalité qui devient la réalité même. Je pense que c'est le propre de tout écrivain qui glisse dans son roman. Je veux dire, le roman que vous êtes en train d'écrire est beaucoup plus important, beaucoup plus réel à vos yeux que le fait de donner à manger à votre chien qui mange pas pendant 48 heures et qui vous regarde avec un air totalement perdu. Quand bon, c'est des enfants, c'est pire. C'est mal, on ne peut pas vous féliciter pour ça, d'accord. Simone Veil. C'est pas moi, c'est Elsa. Oui, mais vous semblez vous identifier beaucoup à elle. Tout de même, vous avez décidé de consacrer tout un livre à Elsa Morante en vous glissant dans sa peau. Pour quelle raison? Parce que c'est gonflé et parce que je n'aime que les choses gonflées comme Elsa, et que de toute façon Elsa est tellement oubliée, tellement laissée pour compte, que j'en ai tellement assez. J'avais envie de qu'elle soit vivante de nouveau. J'ai envie qu'elle vive, j'ai envie qu'elle rie un peu, j'ai envie qu'elle soit un peu heureuse. Je sais pas où elle est, mais si elle nous entend, j'aimerais bien qu'elle... C'est peut-être pour ça que vous êtes passé rapidement sur les dernières années de sa vie qui sont quand même plus tristes. Qui sont terribles. Araceli, qui est son dernier livre, est peut-être le livre le plus désespéré que je connaisse en absolu. C'est un livre de perte de foi, de perte d'espoir. Et on m'a dit... Parce que moi, j'habitais en 78, j'habitais à Rome et je connaissais certaines personnes qui la connaissaient. On m'a dit qu'elle hurlait de rage dans son hôpital, dans sa clinique, dans sa chambre, de ne pas être celle qu'elle avait voulu être. Una trasmissione dei valori efficace, ancorché vagamente dolorosa. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Simonetta Greggio, il faut parler d'un certain nombre de personnages qui sont dans la galaxie d'Elsa Morante et qui sont aussi du coup des personnages de votre livre. On pourrait peut-être commencer par Pasolini parce que c'est celui dont elle parle le plus souvent, en tous les cas c'est celui que vous faites le plus souvent parler à travers elle dans votre livre. Alors tout à l'heure, on a parlé de Pasolini et du fait qu'il avait un peu stroncato la storia. Il avait un peu été très méchant même, je trouve, de cette méchanceté qu'il pouvait avoir vis-à-vis d'Elsa. Elle l'a mal vécu d'ailleurs. Mais vous savez, moi je pense à une chose. Je pense que Pasolini lui en voulait terriblement d'avoir pris la défense de son amant au moment où son amant l'a quitté. Pour épouser une fille. Vous pensez à Sandro Pena? Mais non, je pensais à Ninetto Davoli. Ninetto, bien sûr. À Ninetto Davoli. Ninetto Davoli est tombé amoureux d'une fille qu'il a épousée et à qui il a fait des enfants. Et Pasolini, qui avait créé quand même une œuvre autour de Ninetto, il faut pas oublier c'était qu'il avait son acteur fétiche. Mais bien sûr, il avait tourné pour lui, il avait fait de ce garçon une star finalement. Et ce Ninetto le quitte, mais pour qui? Mais pour une femme, vous vous rendez compte? Encore, s'il l'avait quitté pour un homme, je pense qu'il aurait été un peu plus, je pense... Compréhensif. Non, furieux, mais furieux en comprenant ce qui se passait. Alors que là, il le quittait pour une femme. Et cette pauvre Elsa, cette malheureuse Elsa, avait le courage de défendre l'amour de Ninetto pour une femme. Donc là, je pense qu'il y a eu une vraie rupture. Et je crois que là... petite méchanceté de Pasolini a été de le lui faire payer quand même dans cet article. Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés tous les deux? Par Moravia, je crois. Oui. Parce que Moravia, en fait, Pasolini à l'époque était prof, tout simplement. Et il avait fui son père, qui était une espèce de il était méchant garçon. Pas connu, alors, à ce moment-là. Pas du tout, non, il était très peu connu. Et Moravia, comme il travaillait déjà à la Rivista dei Due Mondi, je crois, l'avait fait rentrer dans le journal et était devenu vraiment très très proche de Pasolini. Ils s'adoraient, ils étaient, comme on dit en français, comme de la renfoire. Sauf que je crois qu'Elsa ne voyait pas. Elle était un peu jalouse quand même. C'était quand même son Rimbaud à elle. C'était son petit frère. C'était son poète absolu. Mais donc, c'était son amour aussi. Non, c'était son grand ami du cœur, je pense. Elle s'était pas trompée sur Pasolini. Elle s'était trompée sur Visconti. Elle s'était trompée sur Bill Moro. Elle s'était trompée sur tous les hommes homosexuels qu'elle a aimés ou dont elle est tombée amoureuse. Mais pas sur Pasolini. Je pense pas. J'ai pas l'impression. Je sais pas. Je parle sur le contrôle de Martin qui connaît cette histoire. Non. Je crois que tu as raison. Je crois que c'est Pasolini. Il a une présence d'une intensité folle. Hein. Il faut rappeler que Pasolini, d'ailleurs, on dit ça de Nietzsche, on dit ça de Rilke, hein, quand il entrait dans une pièce, quelque chose se passait. Mais même sur les photos, ça se voit. Ah ben ça se voit. Et dans les entretiens télévisés ou radiophoniques, il y a quelque chose de l'ordre de l'hallucinatoire. C'est-à-dire que il a une présence très intense. Et en effet, je crois que elle l'a tout de suite vécu. Et Moravia, qui était d'une intelligence éblouissante, c'était pas du tout le même genre de présence. Hein. Et d'ailleurs, Moravia, c'est quelqu'un qui est profondément ironique, intelligent, etc. Ce qui n'était pas du tout Pasolini. Pasolini, oui. C'était une espèce de feu permanent. Ça, elle l'a vu. Alors, elle l'aimait sans doute parce qu'il sortait du rang, parce qu'il avait une liberté de parole complètement extraordinaire. Et puis, il y avait une complicité très forte entre les deux. Il lui avait dit « Je mourrais comme un chat écrasé dans une ruelle obscure. » Et il lui a dit ça peu de temps avant de mourir, donc ça devait aussi plaire au côté presque surnaturel qui émouvait aussi Elsa Morante. Il paraît qu'avant de mourir, il lui avait dit aussi qu'il devait lui confier un secret. Oui, bah c'était le secret de Polichinelle, c'était le secret de Pétrole, hein, de son dernier roman. J'ai quand même écrit deux livres qui sont La Dolce Vita et Le Nouveau Monstre sur ces soi-disant mystères italiens qui n'en sont pas. Et Pasolini avait fait un travail extraordinaire déjà avant de mourir. Il avait déjà compris la ligne rouge ou noire. Rouge et noir de l'Italie de ces années-là. Et encore aujourd'hui, quand on parle du meurtre réellement d'Aldo Moro, ça me fait doucement rire parce que chaque fois qu'on parle de ce qui s'est passé réellement, on vous dit oui mais le complot, le backstage, tout ça. Mais il n'y a que du backstage dans l'histoire de Moro. Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de Moro? On n'en sait tellement rien que ceux qui l'ont fait ne sont pas rentrés en Italie pour en parler. Donc vous croyez qu'ils parlaient politique tous les deux alors? Oh, je pense qu'ils ont parlé comme elles ont parlé avec tout le monde. Pas seulement, mais aussi. Mm-hmm. C'était une passionnariat quand même. Parler de poésie aussi? Oh ben évidemment. Évidemment, mais elle vivait la poésie. Elle avait un autre de ses amis qui me fascine, c'est Bobby Bazlen, qui était cette espèce de moine Tao de l'édition italienne qui a amené Jung, etc., Musil, et qui n'a jamais écrit un livre, sauf un livre de postille. C'était pas un livre. Il n'a jamais réussi à écrire, cet homme. Et elle passait des nuits entières au téléphone avec lui à parler de poésie, à parler de psychanalyse. Il y a aussi Calvino, dont il faudrait parler un tout petit peu. D'ailleurs, il apparaît dans votre livre. Oui, mais alors Calvino, c'est drôle parce que moi, comme j'étais vraiment gamine, quand j'essayais de comprendre ce qui se passait dans les lettres italiennes, et j'avais appelé Calvino un jour au téléphone pour l'interviewer. J'étais vraiment une gamine. Mmh. J'arrivais avec mon innocence, pas pleine les mains, c'était vraiment pleine la tête. Et j'appelle Calvino au téléphone et il m'a tellement maltraitée que je me suis dit que finalement, j'allais plus parler de lui. Chose que je continue de faire parce que c'est un immense écrivain. Mais c'est qu'est-ce qu'il vous avait dit alors? Ah oui, il m'avait dit de lui fiche la paix. Qu'est-ce que c'était que cette gamine qui l'appelait pour des choses dont elle ne savait pas. Mais oui, forcément, j'avais 20 ans, je ne savais rien. Mais à 20 ans, on ne sait rien. Heureusement qu'après, il y a toute une vie pour comprendre des choses. En tout cas, il n'avait pas maltraité Elsa Morante puisqu'il avait dit que L'Astoria, c'était un roman aussi important, aussi grand que Les Misérables de Victor Hugo. Alors par rapport à Pasolini... C'est méchant ça. Ah, vous trouvez que c'est méchant? Ah mais oui, parce que dans le manifeste, c'est exactement ce qu'on lui a dit. On l'a traité de misérabiliste et de faire de l'exploitation des pauvres. Enfin, Les Misérables, c'est quand même pas mal. Certes, mais néanmoins, c'était un double sens. C'est-à-dire, on l'a vraiment traité d'exploiter la pauvreté pour faire de l'argent sur les pauvres gens avec cette storia qui n'était pas écrite mainstream 70. Bon, il y a un autre nom qu'il faut également convoquer. C'est une figure très présente dans votre roman biographique. C'est celle de Malaparte, figure plutôt encombrante, puisqu'on sait que Malaparte a eu des accointances avec le fascisme. Quelles étaient leurs relations? Alors, déjà, Moravia et Malaparte s'adoraient et se détestaient. Ils s'adoraient autant qu'ils se détestaient. Donc c'est par Moravia au départ, la rencontre? Pas, si, mais en même temps, elle était très très proche de Malaparte. Sauf que Elsa Morante avait pas une patience infinie avec la bêtise des mecs. Et en fait, au bout d'un moment, d'entendre ces deux-là se disputer sur des choses qui lui paraissaient tellement sottes, elle prenait la tangente, elle allait boire son rouge dans la baignoire de la Villa Malaparte, dans la baignoire, au moins comme ça, elle avait chaud. Parce que je pense que la disquisition, enfin cette espèce de il fallait que l'un des deux ait raison, c'était deux coqs dressés l'un en face de l'autre. Le grand écrivain qu'est Malaparte, malgré tout ce qu'on peut penser de lui, et moi j'en pense que du bien en tant qu'auteur, c'est quand même un énorme auteur. Moravia, qui était de l'autre côté, il n'aimait que finalement être bisbético. C'était un bisbético, Moravia. Moi, je l'ai connu à la fin de sa vie, il était vraiment aussi charmant que bisbético. Et ces deux-là, ça devait être quand même insupportable à la fin, pour une femme comme Moravia. Ça, c'est du point de vue personnel. Mais du point de vue politique, on a vu quand même avec Martin Huyeff en première partie qu'elle ne pouvait pas être d'accord avec les idées de Malaparte. Mais elle aimait bien discuter sans fin, mais sans fin, ça avait quand même une fin, alors que les deux n'avaient pas de fin. Elle en parle de tout ça dans ses lettres, elle en passe dans ses correspondances. À un moment donné, ça la fatiguait, parce que c'était de la disquisition. C'était mental, c'était intellectuel, et ça allait ailleurs. Mais elle avait eu l'idée quand même d'écrire un livre sur Malaparte, même si elle ne l'a pas fait. Enfin, c'est quelque chose à laquelle elle a pensé un moment. Elle a pensé à tellement de livres qu'elle n'a pas écrit. Elle a écrit tellement de choses qu'elle n'a... Si, tout compte. Mais vous savez, elle n'a écrit que 5 livres, en fin de compte, dans une vie comme celle de Morante. Pourquoi d'ailleurs, d'après vous? Je pense qu'elle bossait comme une dingue, mais qu'elle bossait un peu en obsessionnel. C'est-à-dire que ces manuscrits que j'ai eu la possibilité de voir à la Bibliothèque nationale de Rome sont des espèces de... Elle écrivait tout, elle était comme Yourcenar pour ça, elle écrivait même la position des astres à la naissance de l'un de ses auteurs. Donc c'était une obsessionnelle et elle n'écrivait que des choses dont elle était absolument certaine. C'était le contrôle total. Et vous alors, en tant qu'écrivaine, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Est-ce que cette manière de travailler que vous décriviez à l'instant, par exemple, c'est quelque chose qui vous a inspiré dans votre travail à vous? Moi, je suis tellement heureuse, je suis fière de moi-même d'avoir osé écrire quelque chose avec la voix d'Elsa Morante. Parce que, ça m'a appris tellement de choses sur l'écriture. Quoi, par exemple? Son phrasé, vous rentrez dans un livre de Morante. Alors moi, je suis italienne, je rentre dans ses livres en italien. Martin fait la transaction et la translation. Vraiment, la traduction. Mais moi, je suis dans son phrasé, dans sa musique. Et quand j'ouvre un livre de Morante, je rentre aussi dans sa musique. Et cette musique m'a complètement... j'étais habitée par la musique de Morante pendant 2 ans, 1 an et demi, pendant tout le temps du travail du livre. Et je pense que c'est un cadeau formidable que je me suis octroyé, mais que Elsa m'a fait. Bon, et puis c'est le rapport pour vous à l'Italie, évidemment, où vous êtes née, à Venise, je crois. Dans votre roman Les Nouveaux Monstres, 1978-2014, publié chez Stock en 2014 justement, vous vous interrogez précisément sur l'Italie. Et votre narratrice dit, en Italie, la ligne la plus directe entre deux points, c'est l'arabesque. Il faudra un jour étudier l'importance du baroque sur le peuple italien. On a presque l'impression que c'est une définition, si ce n'est de la personne. personnalité baroque d'Elsa Morante, au moins de ses livres, de son œuvre. Mais ça, je l'ai volé à Ennio Flaiano. J'espère que qu'il me pardonnera lui aussi. Il avait un esprit extraordinaire. C'était un homme d'une brillantissime. Il faut encore aujourd'hui lire ses aphorismes qui sont à mourir de rire et en même temps tellement vrais. Et je pense qu'Elsa a été baroque, oui, et ça se voit, notamment dans son premier livre. Mais elle allait de plus en plus vers une pureté d'écriture et même vers une folie d'écriture comme celle de Il Mondo Salvato dei Ragazzini. Et ça, elle a vraiment fait une espèce du début de ses premières nouvelles jusqu'à la fin d'Araceli, elle a fait une espèce de fusée incroyable. Merci beaucoup Simonetta Greggio. Je renvoie nos auditeurs à votre livre Elsa, mon amour, paru en 2018 aux éditions Flammarion. Et puis merci de nouveau à vous, Martin Rueff, dont la traduction du Petit Manifeste des communistes, notamment d'Elsa Morante, est sortie également l'an dernier chez Rivage. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Pierrick Monsigny. Demain, nous ouvrons la deuxième partie de la semaine consacrée à une autre grande auteure italienne, Goliarda Sapienza. Mais tout de suite, sur France Culture, c'est le retour de la poésie. Et c'est évidemment avec Jacques Bonnafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Aujourd'hui, chômage monstre. C'est un poème ? C'est un recueil, c'est un livre d'Antoine Mouton. Chômage monstre, comme on dit, boulot monstre. De la poétique de l'assonance, et des enjambements, de l'allitération et du flux. Bah, d'ailleurs, la question n'est pas là. La couleur poétique, aujourd'hui, on s'en fiche. On s'en fiche de sa couleur poétique. Hein, c'est Antoine Mouton, c'est un exemple parlant de poésie. Chômage monstre. Après quoi ? Ça, c'est le titre du poème. Les journées libres, mais pas moi. Moi, très contraint, au contraire. Très lié, sanglé à ma contradiction, ma diction contraire. Quand je travaillais, je bégayais. Dire contre, manquer d'air et trébucher. Dire quelque chose contre soi et se prendre pied et mâchoire dedans. S'asseoir sur ce qu'on dit paillé, laisser s'ouvrir la bouche de l'ennui. Nul mot n'en sort sec, nulle phrase n'en sorcelle. Silencieusement s'étourdir jusqu'au siphon, mettre des obstacles entre dire et soi, c'est ça le travail. Soupeser les cartons de soupe, les défaire, les plier, les porter vides à la benne, attendre qu'ils reviennent pleins. Remplir les sacs, les porter, les vider, ramener les sacs, tout recommencer, le ressac du travail. Le bégaiement de l'ordinaire sous l'aboiement de l'ordre. Se tenir entre le chaos et l'ordre, jouer les intermédiaires. Je bégayais même, oui, était un mot pénible à prononcer. Il manquait toujours une lettre pour s'accorder. O-I, U-I, ou, jamais entier le oui, qu'articulé dans une vie de pantin. J'ai quitté la boutique, mais comme je bégayais, j'ai dit bourrique. J'ai démissionné du bourreau. Ma tête était déjà bien entamée, le langage tremblait. Pas sous la peur, non, mais comme des petits sauts, jamais plus haut. Toujours égaux, des petits sauts vers rien. Les étoffes ne brillent pas sous les trop plats fonds. Popcorn empêché par l'aluminium. Après quoi ? Mentir, me taire, m'enterrer, m'en tirer quand même. J'ai tout essayé, ça ne marchait pas. Je ne voyais plus mes pieds, ma vie était plane. Je planais, j'étais épié par d'hypothétiques autorités. J'étais hypothéqué du matin jusqu'au soir. Et dans la nuit, je voulais recouvrer mes esprits. Je ne trouvais que des dettes, espérant toucher terre, je m'effondrais. Autre part dans le livre, dire, entendre, penser. Personne ne dit ce que je veux entendre, personne n'entend ce que je dis, personne n'entend ce que j'entends, ce que je dis toujours échoue. On me dit ça m'entre par une oreille, ça me sort par l'autre, mais j'ai l'impression que ce que je dis ne sort même pas, reste coincé, et avant même d'entrer où que ce soit, se trouve rejeté d'emblée, recraché, réduit à néant ou glavio sur la chaussée, déchaussé, gencive, à vif, à force de prononcer. Prononce-toi, m'a-t-on dit, sans y penser. Ici, C'est le lecteur qui prend son souffle, mais lui, le poème est en train de chauffer. Quelqu'un, personne, on est passé de personne à quelqu'un, entend le tremblement entre la vie et la pensée. Quelqu'un entend les mots se désolidariser du corps qui les prononce. Quelqu'un pense qu'il faut le dire. Quelqu'un dit qu'il faut d'abord... Et merci Jacques Bonafé pour ces lectures de textes du jeune poète Antoine Mouton.